إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، هل في فرق بين ما يفعل مشرك زماننا والمشركين الأولين؟ Une différence entre ce que faisaient les mouchtikoun d'avant et ceux d'aujourd'hui. Ceux qui adorent les Aouliyé, est-ce qu'il y a une différence avec les premiers mouchtikoun? Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre eux? يعني الأصل جوابك صحيح، يعني la base de dire en fait c'est la même chose qu'ils font. À part que celui d'aujourd'hui, ils vont rajouter pierre encore. Mais la base qu'ils font, c'est du shirk. هذا كان قصد السؤال. الذي فعل هذا هل هو كافر أصلي أو مرتد؟ سان مرتد أو سان كافر أصلي؟ C'est quoi que c'est pas صحيح؟ Du fait qu'il dit que c'est un كافر أصلي. C'est la question. Est-ce que c'est un كافر أصلي ou c'est un مرتد؟ C'est un مرتد. هذا Et est-ce qu'il faut les combattre? Au même titre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les premiers. طيب نواصل الآن. قال رحمه الله تعالى فإن قلت الاستعاثة قد ثبتت في الأحاديث فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستعيثون بآدم أبي البشر ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى وينتهون لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد احتضار كل واحد من الأنبياء فهذا دليل على أن الاستعاثة بغير الله ليست بمنكر. Donc là, il y a une shubuhat qui est également dans Kefsh et Shubuhat qui cite exactement la même. Tamaman. Eux, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils venaient te dire que l'istiafa, elle a été bighilillah, tamaman, elle a été affirmée dans les ahadiths, comme par exemple le hadith de Anas, je crois, Abu Huraira, c'est Yom al-Qiyama, que les gens vont chercher secours auprès de Adam alayhi salam, auprès de Noé, auprès d'Ibrahim, auprès de Moussa, par Isa, pour finir auprès de Mohammed sallallahu alayhi salam. Lorsque la situation sera trop dure pour endurer, ils vont demander au NBA de faire shafa'a pour eux. Donc ils disent, ça prouve que isti'afa birillah, c'est pas un acte blâmable. Ma fichée. قال قلت هذا التلبيس فإن استعاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي فاستعاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه donc il dit ça c'est un talbis de leur part à ces gens-là quand l'istiafah avec une personne qui est vivante et en mesure de t'aider personne ne l'a blâmé cela ma fichée il n'y a personne qui dit que c'est interdit. Après, même dans le Coran, Allah cite l'histoire de Moussa alayhi salam avec son Israéli, lorsqu'il s'est battu avec le Coupti, il a recherché de l'aide auprès de Moussa. Moussa a frappé le Coupti et il l'a tué. Donc, il a dit, « Fasta'asahu alladhi min shi'atihi. » L'ista'asahu. Il lui a demandé secours. Il a dit, « وإنما الكلام في الاستعاثة الكبوريين وغيره من أولي بأوليائهم وطلب أمور لا يقدروا عليها إلى الله تعالى من عافية المرضى وغيرها بل أعجب من هذا أن الكبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش. Donc tu dis nous ce qu'on parle là on vise isti'asah les kubouriyin et ce qui leur ressemble avec leur awliya. qui leur demandent des choses que seul Allah est capable d'accomplir. Comme par exemple de guérir la maladie. Et ils ont une croyance que c'est d'aujourd'hui que le wali du Qabr a lui-même une part dans le cours des choses. Il lui accorde yani, un mérite dans l'enfant si jamais il vit. C'est-à-dire, si jamais quelqu'un a sa femme qui est enceinte, qui a un enfant, il va voir ce wali, il fait un vœu auprès de lui. Si jamais son enfant vit, il fera telle et telle chose pour le wali. Donc il y a pour penser que le wali a sa part dans le fait de donner la vie. Bref, allez, qu'un. Et ils achètent de lui le lait dans le ventre de sa mère pour qu'il vive pour eux. وَيَأْتُونَ بِمُنْكَرَاتِ مَا بَلَغَ إِلَيْهَا الْمُشْرِكُونَ. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de lui l'enfant dans le ventre de la mère. C'est-à-dire ils font en sorte que de lui donner quelque chose en échange qu'il fasse vivre l'enfant dans le ventre de la mère. Et ça c'est une chose. Et d'autres choses, munkarat, que même les mushrikoun d'antan n'ont pas faites. وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُ مَنْ يَتَوَلَّى قَبْضَ مَا يَنْظُرُ الْقُبُورِيُّونَ لِبَعْضِ أَهْلِ الْقُبُورِ أَنَّهُ جَاءَهُ إِنْسَانٌ بِدَارِهِمْ وَحِلْيَةَ نِسَائِهِ أَوْ حِلْيَةَ نِسَائِهِ وَقَالَ هَذِهِ لِسَيِّدِهِ فُلَانٌ يُرِيدُ صَاحِبُ الْقَبْرِ نِصْفُ مَهْرِ ابْنَتِي لِأَنَّنِي زَوَّجْتُهَا وَكُنْتُ مَلَكْتُ نِصْفَ مَهْرِهَا فُلَانًا يُرِيدُ صَاحِبُ الْقَبْرِ. Il dit que même l'auteur dit que certains parmi les gens, parmi ceux qui réceptionnent les choses qui ont été données comme vœux aux gens des Kobos, qui m'a raconté qu'une personne est venue avec des bijoux de femme. Et il a dit, ça, c'est pour le Seyyid Fulen, en parlant de l'homme qui est dans la tombe. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce que ça, c'est la moitié du mahr de ma fille. Ça, c'est la moitié du mahr de ma fille. Car je l'ai mariée, quand même, et j'ai fait en sorte que la moitié du mahr reviennent au wali dans la tombe. Non. وَهَذَا شَيْءٌ مَا بَلَغَ إِلَيْهِ عِبَادُ الْأَصْنَامِ. Ça, c'est une chose que même les adorateurs d'Asnam et d'Arsan n'ont pas fait. Donc, ils ont fait pire, comme on l'explique, ils ont fait pire que les autres. نعم. إِسْتِغَاثَةُ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَطَلَبُهُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ تَعَالَى لِيَفْصِلَ بَيْنَ الْعِبَادِ بِالْحِسَابِ حَتَّى يُرِيحَهُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَوْقِفِ وَهَذَا لَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ. Donc il dit Nam que l'istiafa des ibad, yom el qiyama, qui vont désirer des anbiya, qu'ils invoquent Allah pour eux, afin qu'ils accélèrent justement le hisab entre eux, pour pouvoir les soulager justement de ce moment dur qu'ils sont en train de vivre. Ça, c'est une chose où il n'y a aucun doute dans la permission. Mais dans le hadith, c'est quoi qu'ils font? Ishfa alana il est rabbik. C'est même pas une sirafa qu'ils font, c'est une shafa'a qui demande un billet. C'est une shafa'a qu'ils font. Parce qu'à la fin, ils finissent vers qui? Vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Yali, elle est pour moi. Après, il va faire dua. Et après cela, la shafa'a, elle se fait. Ani, talab al-dua lillahi ta'ala min ba'd ibadihi li ba'd. Bel kot kala. قال أعني طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض بل قد قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسانا يا أخي من دعائك وأمرنا الله تعالى أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم donc le fait que les ribades entre eux demandent des doigts auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu demandes à ton frère qu'il fasse un doigt pour toi, pour aller dédicat, c'est une chose qui est permise. D'ailleurs, il faut rapporter que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, lorsqu'il est sorti pour faire la Omra, il le dit, ne nous oublie pas dans tes doigts au petit frère. Ça, ce hadith là, mayasbud. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud. Hadith an Omar. Lakin le hadith mayasbud. Hadith n'est pas authentique. Quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire l'istighfar pour les mu'minines. Comme a dit Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Dans le sens où Allah dit, ceux qui viennent d'après eux, c'est-à-dire d'après les premiers, ils disent, ô Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères, ceux qui nous ont devancés dans la foi. Et ça, c'est un dua qui vient, qui renforce l'amour pour le sahaba. Ce dua-là, parmi ce qui a été dit dans le tafsir de ce verset, c'est une chose qui renforce l'amour pour les sahaba et pour les salafs et ceux qui nous ont devancés. قال وقد قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له كأم سليم رضي الله عنها elle a dit au message d'Allah voici ton serviteur Anas, la mère de Anas, invoque Allah pour lui. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua pour lui. Je ne sais pas si c'est une autre occasion. Il lui a dit barakallahu fi malik wa zuriyatik wa awladik. Il fait apporter que Anas avait plus de 100 enfants. À la suite. Mais pas tous de lui, des fois c'est les petits-enfants. C'est-à-dire que le dua, c'est toujours Ibala. Wa qad kana as-sahabatu radiyallahu anhum yatlubuna ad-du'a minhu wa huwa hayy. Wa hadha amrun muttafaqun ala jawazihi. Les sahaba de son vivant lui demandaient de faire dua pour eux, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une chose sur laquelle il y a unanimité que sur les permis. Et on en a parlé la dernière fois, il ne faut pas non plus exagérer dans la chose. Mais que c'est permis. Wal kalam fi talab al-kuburiyyin min al-amwat aw min al-ahya' alladhina la yamlikuna li anfusihim naf'a wa la darra wa la mawta wa la hayatan wa la nushura an yashfu mardahum wa yaruddu ghaibahum wa yunafisu an hublahum wa an yasqu zara'ahum wa yadurru دروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله تعالى. Là maintenant, dis-nous de quoi on parle. On ne parle pas de demander de faire dua pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui est vivante qui peut le faire. C'est pas ça le sujet. Nous, le kalam, c'est ce que ces gens-là demandent, ces kuburiyun, ce qu'ils font comme demande auprès des morts ou même des vivants, ceux qui ne possèdent pour eux ni bien ni mal. Qui peuvent ni apporter le profit ni nuire, qui ne peuvent apporter ni la mort, ni la vie, ni ressusciter, ils leur demandent par exemple de guérir leur maladie, ou de leur apporter les gens qui sont absents, qui veulent le revoir, ou qu'ils préservent leur femme enceinte, ou qu'ils fassent pleuvoir sur leur champ, ou qu'ils préservent leur bétail du haïn. Toutes ces choses que personne ne peut accomplir si ce n'est Allah. Donc là, c'est une chose. Et eux, ce qu'ils parlent du fait de l'istighafa, comme l'ont fait les gens, l'Yom Al-Qiyama, avec l'NBS, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le qiyas mal-fadiq. C'est un faux qiyas, ça. Il n'est pas mortabar. Il est faux. Donc, كيف يطلب من الجماد أو من حي والجماد خير منه لأنه لا تكلف عليه وهذا شيء ما فعله المشركون في عبادة الأصنام هذا وهذه بعينها العبادة وهذه النذر بالأموال وجعلوا قسط منها للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونها تلمع في بعض الجهات اليمينية للميت. Donc il dit, comment demander une chose inanimée, c'est-à-dire une statue réelle dans les cas, ou d'un vivant, à savoir que le jamad, la chose inanimée, est meilleure que le vivant. Car la chose inanimée n'a pas de taklif sur elle. Les choses de la religion ne sont pas imposées. On avait dit ça dans un dersh précédent. Que les statuettes, les pierres, ce genre de choses, font moins de mal qu'un être vivant qui ment, qui prétend connaître l'avenir, et plein de munkarat. Il dit ça, c'est une chose que les mouchtikoun n'ont pas fait en adorant leur asnam. Et ça, c'est ce qu'on appelle exactement la ibada. Comme les vœux qu'ils font avec leurs biens, d'en donner une partie au wali dans la cobre, ou une partie de leur moisson qu'ils appellent tilman, je ne sais pas ça dire quoi tilman, comme ils le font dans certains pays au Yémen, certaines contrées du Yémen. وكذلك يجعلون لهم نصيبا من أموالهم وأنعامهم وهو بعينه الذي كان يفعله المشركون الذي حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ لهم مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. Parmi ce qu'ils font également, qui donnent une partie de leurs biens et de leur bétail à ces auliers dans les coubours. Et ça, c'est exactement justement ce que faisaient les mouchrikoun auparavant, comme Allah dit à leur rencontre dans son verset, dans le sens où il dit, et ils donnent une partie de leur récolte pour Allah, et une partie également pour leur divinité. Ils disent cela est pour Allah, de par ce qu'ils prétendent, et cela est pour nos shuraka, les shuraka d'Allah. وقال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألون عما كنتم تفترون. Et qu'ils accordent comment on dirait une partie de ce que Allah leur a donné, ils l'accordent à autre que lui, parce qu'ils ne savent même pas. Après Allah ils jurent تالله, ils seront certes interrogés ce qu'ils ont inventé, ce qu'ils ont forgé comme mensonge, en disant que ces choses-là, c'est pour autre que Allah et que ça va leur apporter quelque chose. فَهَاوْلَا الْكُبُرِيُونَ الْمُعْتَكِدُونَ فِي الْجُهَلِ الْأَحْيَاءِ وَالدُّلَّالِهِمْ سَلَكُمَ سَالِكِ الْمُشْرِكِينَ قِذَّةِ عَيْوَ حَذْوَ الْكِذَّةِ بِالْكِذَّةِ فَاعْتَكَدُوا فِيهِمْ مَا لَا يَجُوزَ أَنْ يَعْتَكِدُوا إِلَّا فِي اللَّهِ. Donc ces gens-là ont suivi exactement ces Kuburiyoun, les traces des Mushrikin, par pas. Ils ont suivi la même voie qu'eux. Cette croyance qu'ils ont pour leur aoulié, c'est une croyance qui revient à Allah seulement et pas à leur aoulié. وَجَعَلُوا لَهُمْ جُزْءًا مِنَ الْمَالِ وَقَصَدُوا كُبُورَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ لِلْزِيَارَةِ وَطَافُوا حَوْلَ كُبُورِهِمْ وَقَامُوا خَادِعِينَ عِنْدَ كُبُورِهِمْ وَهَتَفُوا بِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَنَحَرُوا تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ. Ils ont donné une partie de leur argent à ces aouliés. Ils ont fait des visites à leur kubur, mais pas dans le but de faire une ziyara comme on l'a fait, qui est mashrou' en islam. Là, c'est une ziyara avec du khushu', rabaissé devant, avec du khushu' par rapport au wali, et rahibina fihi, avec la peur et la convoitise, et pour lui demander des choses. Ama la ziyara dans les kubur, c'est mashrou'. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالموت وبالآخرة. Oui, il avait dit que je vous avais interdit de visiter les coubours. Alors visitez-les maintenant, car rappelle la mort et l'au-delà. Au début c'était interdit, après c'était rendu permis. C'était mon sourd. Mais c'est pas ça qu'ils font eux. C'est pas pour se rappeler de l'au-delà qu'ils vont le faire. C'est pour aller faire du shirk. Également qu'ils tournent autour de ces coubours comme ils le font autour de la Kaaba. Et qu'ils les appellent lors de la détresse, comme ils appelleraient Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils égorgent, à la fois également, ils égorgent ou sacrifient pour elles, en vue de se rapprocher de ces aouliens. Comme eux, ils se l'imaginent. Et le voyage vers les kubours lointaines, pour visiter la tombe, ça c'est un truc qui n'est pas permis. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yushadu rihal, illa les masajid de salatha. Pas de voyage, c'était pour aller vers les trois masajid. Demain, quelqu'un part en voyage loin pour visiter un cobre. En vue de viser le cobre, ça, c'est pas permis. Même, c'est pas permis. Même demain, tu es là et tu veux aller visiter la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu pars pour ça, non. Quand tu es là-bas, tu en profites pour aller la visiter, tu vois. Mais tu pars de ton pays pour aller rendre visite à son cobre, ça, c'est pas permis. Maintenant, l'histoire, c'est que le cobre, aujourd'hui, est dans l'enceinte, dans les murs du Masjid Nabawi. Et le Masjid Nabawi, c'est celui pour lequel tu peux voyager. Les trois masajid, c'est quoi? C'est le Masjid al-Haram, al-Masjid al-Haram, al-Masjid al-Nabawi, ou al-Bayt al-Maqdis, en Palestine. Donc toi, en allant à Al-Medina, en passant dans ce Masjid-là, tu en profites pour saluer la cobre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas tu voyages en but de faire cela, en soi-même. Donc ça, c'est pas permis. Comme ils le font ici, ils vont voir la soi-disant tombe de Houd, alayhi salam, soi-disant ici au Yémen. Si c'est les soufis, ils font tout ça, ils partent tous les ans en voyage pour la visiter. Là-bas, ils font un tas de mushirkiyat, de munkarat et de bid'a. Et ça, c'est ma'rouf ici au Yémen. Donc ça, c'était le dars d'aujourd'hui. Et c'est le khurasa des douloureux précédents que ces gens-là ont voulu faire une choubouhet, que l'istia'afa, elle est permise, comme l'ont fait les gens avec les NBA ou Melkiyama. On dit non, ce qu'ils ont fait, c'était permis. Et en plus, c'était pas istia'afa, c'est talab al-shafa'a, d'une part. Et d'autre part, l'istia'afa bil-makhlouq, dans ce qu'il est capable de faire, m'a fiché, ça c'est permis. Dans le doa au vivant, pour toi, c'est permis. Dans ce qui est permis, bien entendu. Et en dehors de cela, il dit qu'ils sont comportés avec Aulia comme on se comporte avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la ibadah. Hada. Taïb, wa ila huna, wa alhamdu lillahi rabbil alamin.